بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب الاستسقاء le sous-chapitre concernant la demande d'eau الاستسقاء والاستسقاء لغة هو طلب السقيا سواء كان من الله تعالى أو من غيره. Et donc la demande d'eau en arabe c'est le fait de demander à ce qu'on nous déverse de l'eau, que cela vienne, que la demande soit adressée à Allah tabaraka wa ta'ala ou autre. ففي اللغة العربية إن قلت لشخص اسقني ماء فهذا يسمى استسقاء. Dans la langue arabe, si tu dis à quelqu'un verse-moi de l'eau, cela s'appelle استسقاء. وأما في الشرع dans la législation هو طلب الغيث من الله تبارك وتعالى على سورة عند الجذب على سورة مخصوصة معينة. Dans la législation, c'est le fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala le fait qu'il nous accorde de la pluie en période de sécheresse avec d'une façon spécifique, en utilisant une façon qui est bien spécifique, et la façon utilisée, on la verra inshallah ta'ala durant les prochains cours. وهذه المسألة أيها الإخوة من المسائل المهمة. Et ce sujet, mes frères, fait partie des sujets importants. هذا الغيث نعمة من الله تبارك وتعالى على عباده. Cette pluie fait partie des bienfaits qu'Allah تبارك وتعالى a accordé à ses serviteurs. لكن الناس لا يدركون. Cependant, les gens ne saisissent pas cela. هم في بيوتهم يأتيهم أو تأتيهم المياه بكل سهولة. Ils sont dans leur maison, dans leur demeure, et l'eau parvient jusqu'à eux en toute facilité. Mashallah, tu tournes le robinet et l'eau qui coule. Parfois, t'as même plus besoin de tourner le robinet. Tu mets la main en dessous comme ça. Et l'eau, elle coule. Toute facilité. Mais toi, ils vont nous faire un truc, tu le regardes, ça coule. Subhanallah. Facilité. Toute cette facilité, ça fait quoi? Ça fait que les gens ne remercient plus Allah Azza wa Jalla. Hein? Si tu devais marcher jusqu'au fleuve là-bas pour ramener de l'eau, crois-moi, tu aurais remercié Allah Azza wa Jalla. Mais ce robinet-là qui fait qu'à chaque fois ça coule trop facilement, tu oublies que l'eau vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wahada mushkil, ça c'est un problème. Fannas la yashkuruna rabbahum. Ils ne remercient pas leur Seigneur. Compte combien de fois tu as fait tourner le robinet, que l'eau elle a coulé, et que tu as dit Alhamdulillah. Parce que c'est normal, tu te dis, Adi, c'est normal l'eau elle coule. Si l'eau elle coule pas, là tu te dis, il y a un problème. Ça? L'effort, tu vas dire Alhamdulillah, c'est quand il y a une coupure d'eau. Il y a une coupure d'eau, subhanallah, il y a une coupure d'eau. Tu es là, tu viens à la mosquée, tu retournes, et quand tu retournes à la maison, tu entends l'eau qui coule. Tu dis Alhamdulillah, il y a de l'eau. Mais sinon, tous les jours, non, on a du mal parce que on est habitué à ce luxe, cette facilité. Et donc, on oublie de remercier notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Fannas yajidouna hadha at-ta'am. Kullayom. Les gens, ils voient la nourriture, cette nourriture tous les jours. Wala yufakirun fi hadha al-ma. Ils ne pensent pas à cette eau. S'il n'y avait pas eu cette eau, tu penses que tu aurais eu cette nourriture? Tu penses que tu aurais eu du poulet, de la viande? Toutes ces viandes, elles ont besoin d'eau, ça. S'il n'y a pas d'eau, comment tu fais pour avoir le poulet, la viande? S'il n'y a pas d'eau, comment tu fais pour avoir du riz, de la farine, pour faire du pain? Juste du pain. Juste le pain qui ne coûte pas cher. Comment tu fais pour avoir du pain s'il n'y a pas d'eau? Et donc, à chaque fois, les frères, qu'on voit ces éléments, normalement, on devrait se rappeler des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. فَالنَّاسْ يَنْسَوْنَ أَنَّ هَذَا الْمَاءِ إِنْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَا يُنَزِّلُهُ فَلَيْسَ لَنَا مُنَزِّلْ يُنَزِّلُهُ. Les gens oublient que si Allah ne fait pas descendre cette eau du ciel, il n'y a personne qui va le faire descendre. La ahad. Personne ne va le faire descendre. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Afara'aytum ma tashrabun. A'antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun. Voyez-vous ce que vous buvez? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait descendre des nuages? Ou est-ce que c'est nous? Qui a fait descendre cette eau? Quand est-ce qu'on va méditer sur ce sujet important, essentiel? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu l'ghaif » Certes, Allah est le détenteur, est celui qui connaît l'heure, la fin des temps. Et c'est lui qui fait descendre la pluie. Et donc, on doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Fa yajibu alayna shukruhu. Mais subhanallah, ya l'ifkir, comme je l'avais cité la dernière fois, annas yahzanun min hadhihi an-ni'am. Les gens s'attristent parfois de ces bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde. On est là, on a tout ce qu'il nous faut, comme agriculture et autres, parce qu'il y a beaucoup de pluie. Malgré ça, lorsqu'il pleut, les gens ne pensent pas à ce bienfait. Ah, il pleut aujourd'hui, subhanallah. Ah, le ciel est gris. On ne pense pas au bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde. Wa yanbaghi an yu'lam ayyuha al-ikhwa anna min asbab al-jadb al-ma'asi. Il est important de savoir, ô mes frères, que parmi les causes de la sécheresse, il y a les péchés. Barakallahu fik. Il y a les péchés parmi les causes de la sécheresse. Wa amma at-ta'a wal 'amal bima yurdi Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa sababun lil barakati min as-sama'. En ce qui concerne l'obéissance et le fait d'accomplir ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée, cela est une cause permettant, qui va entraîner la bénédiction venant du ciel. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Walau anna ahlal qura amanu wa attaqaw li fatahna alayhim barakatim min as-sama'i wal ard » Si les gens des cités avaient cru, avaient eu la foi et avaient été pieux. Nous leur aurons ouvert des bénédictions, nous leur aurons accordé des bénédictions venant du ciel et de la terre. Subhanallah. Des bénédictions venant du ciel et de la terre. Est-ce que vous avez entendu la parole de Nuh à son peuple? Lorsqu'il leur a dit « فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا » Alors je leur ai dit « Implorez le pardon de votre Seigneur, il est certes pardonneur. Il est certes pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا » Il fait descendre sur vous depuis le ciel des pluies abondantes. وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ Elle vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Elle vous accorde des jardins et des ruisseaux. Tout ça par l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour les péchés. فَالنَّاسُ عِنْدَ الْجَدْبِ يَرْجِعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ Et donc les gens, pendant la période de sécheresse, ils reviennent vers leur Seigneur. Mais ici, il y a une question. On a dit que la sécheresse, ou du moins que les péchés, sont une cause qui entraîne la sécheresse. Abdurrahman, il y a plus de sécheresse ici ou au Maroc? Au Maroc. Au Maroc. Il y a plus de sécheresse ici ou en Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Comment on fait? Hein? Comment on fait? Yani ici, il y a moins de péchés qu'en Arabie Saoudite. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des créatures après les prophètes. Il y avait le prophète et les meilleurs de cette communauté avec lui. Il y a eu la sécheresse. Comment ça se fait? La meilleure des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a eu la sécheresse. Les épreuves. Et donc, le croyant, il est... Il faut qu'il soit éprouvé. Ahsant. Fa awwalan al-jadbu ayyuha al-ikhwa kama kunna qad hasala fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc premièrement la sécheresse elle est arrivée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on va le voir durant ce chapitre, dans ce sous-chapitre, excusez-moi, inshallah ta'ala. فكان ذلك تنبيها لهم وتذكيرا بنعمة الله تبارك وتعالى وفضله. Et donc cette sécheresse elle est arrivée et a été pour eux un rappel, leur montrant les bienfaits d'Allah تبارك وتعالى sur ses serviteurs et nous montrant à nous comment on peut faire cette prière et demander à Allah تبارك وتعالى de nous accorder la pluie. فالمسلمون الآن يبتلون الآن بهذا الأمر. Aujourd'hui, les musulmans, les croyants, ils sont éprouvés par la sécheresse. Ils sont éprouvés par la sécheresse. Dans les pays musulmans, il y a plus de sécheresse que dans les pays non musulmans, qu'en Europe. On a plus de sécheresse dans nos pays qu'en Europe. Les musulmans sont éprouvés par cette sécheresse. أما الكفار فالله تبارك وتعالى يستدرجهم. En ce qui concerne les incroyants, alors Allah تبارك وتعالى, il va les mener graduellement où ils ne savent pas, ou du moins de là où ils ne s'attendent pas. Il les mène graduellement là où ils ne s'attendent pas. تبارك وتعالى. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. Alors, laisse-moi avec ceux qui traitent de mensonge cette parole. Laisse-moi avec ceux qui traitent de mensonge cette parole. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Nous allons les mener graduellement là où ils ne s'attendent pas, là où ils ne savent pas. Wa umli lahum inna kaydi matin. Et je vais les accorder un délai. Certes, mon stratagème est sûr. Mon stratagème est sûr. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna lahum fatahna alayhim abwab kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghta fa idha hum mublisun. Et lorsqu'ils ont délaissé ce ou le rappel qui leur a été fait. Lorsqu'ils ont délaissé le rappel qui leur a été fait, nous leur avons ouvert toutes les portes de toutes choses. Nous leur avons ouvert les portes de toutes choses, les richesses, etc. Hatta idha farihu biha ou hatta idha farihu bima utu, jusqu'à ce qu'ils furent heureux de ce qui leur a été accordé. Jusqu'à ce qu'ils furent heureux de ce bien qui leur a été accordé, la pluie, les richesses, l'argent et tout. Akhadnahum barta. Nous les avons saisis subitement. Allah tabaraka wa ta'ala, il donne. Et ensuite, il les saisit subitement. Fa'idahum mublisun. Et c'est alors qu'ils sont désespérés. C'est le stratagème d'Allah Azza wa Jalla. Et d'un coup, Allah tabaraka wa ta'ala les saisit subitement. Comme cela est arrivé aux communautés précédentes. فالله تبارك وتعالى يملي الكفار. Et donc Allah تبارك وتعالى il accorde un délai aux incroyants. فيرون أنفسهم في هذه الرفعية. Et donc ils se voient dans ce luxe, cette vie de luxe, et sont leurrés par cela. فينسون أن الأمر كله بيد الله. Et ils oublient que tout est entre les mains d'Allah تبارك وتعالى. ثم يأتيهم العذاب. Et ensuite le châtiment les saisit. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن كثيرا من المسلمين تأثروا بوجودهم في هذه البلاد. Et vous voyez, mes frères, que beaucoup de musulmans ont été touchés à cause du fait qu'ils sont dans ces pays. Ils ont été touchés par cela. فينسون أن الأمر كله بيد الله. Et ils oublient que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Les gens qui sont dans les pays musulmans où il y a la sécheresse qui vient et ensuite ils vont se retrouver à faire la prière, la demande de la pluie, ils vont implorer Allah Tabaraka wa Ta'ala, implorer son pardon pour les péchés, etc. Ils vont se rappeler du bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur eux. Mais nous ici, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a pris, on a été touché par les gens qui vivent avec nous. Ces gens qui ne se rappellent pas que le bienfait, cette eau, vient d'Allah Azza wa Jal. Et donc, tu as les robinets qui sont ouverts comme ça, qui coulent. Lorsqu'on fait les ablutions, mashallah. Et donc, on ne se rend pas compte du bienfait. On laisse l'eau comme ça partir. Et donc, il faut qu'on fasse attention, les frères. Barakallahu fikoum. Qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous a accordés. On va continuer cette série donc sur le sous-chapitre lié à l'istisqa, la demande d'eau. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous combler de ses bienfaits. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu.